mardi 22 août. Bonjour à vous, chers auditeurs, auditrices de la radio Essanganiro, et bienvenue dans cette édition. La note minimale est de 85 sur 200 pour les lauréats de 9e année fondamentale et de 115 sur 345 pour les autodidactes de 10e année n'ayant pas réussi au concours de 2016. La ministre de l'Éducation, Geneviève Ndirahisha, annonce officiellement les notes minimales pour accéder à l'enseignement post-fondamental. Quelle est l'infraction qui a été retenue comme chef d'équipage? La qualification de l'infraction, c'est laquelle? C'est l'indignation du président de la PARSEM par rapport à une somme de 15 000 francs burundais payée par des étudiants arrêtés il y a peu à l'université du Burundi. Il y a divergence entre la mairie et la police. Dans ce journal, le reportage du jour nous conduira en province Lomongue pour parler cohabitation pacifique entre différents jeunes des partis politiques. Et la chronique santé de ce mardi revient sur les méthodes contraceptives utilisée au Burundi. C'est une deuxième partie. Vous aurez les détails dans ce journal mis en onde par Eric Ouimana. À la présentation, Mireille Kanyange. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Oh, bonjour, je venais de vous le dire. La mesure de faire payer une amende de 15 000 francs burundais aux personnes arrêtées samedi dernier dans les enceintes de l'Université du Burundi est arbitraire, selon le président de la PARSEM, Faustin Ndikumana. Il explique que cela se traduit par la divergence entre la police et la mairie de Bujumbura sur cette amende. Bien plus, la mairie dit ne pas être au courant de cette amende alors qu'elle est versée sur son compte. Suivez Faustin Ndikumana, joint au téléphone par Didier Nyonzima. D'abord, on a été complètement surpris, sidéré de voir comment il s'origine une nette divergence de la part de deux grandes institutions publiques, en l'occurrence la police et la mairie de Bujumbura. Deuxièmement, quand on attrape des gens, on appréhende les gens, on les met quelque part, on commence à les infliger des amendes. D'abord, on peut se poser la question, quelle est l'infraction qui a été retenue comme chef d'équipage? La qualification de l'infraction, c'est laquelle? L'infraction est réprimée comment au niveau du document de procédure pénale, du code de procédure pénale? Est-ce que c'est la loi qui a été respectée? On ne peut pas s'improviser, décider des amendes, infliger à des citoyens sans pour autant pouvoir qualifier l'infraction, pas même quelqu'un qui peut la qualifier, alors qu'il a annoncé de la procédure judiciaire, voire même la décision judiciaire. Parce que dans le code pénal, on précise le type d'infraction et des fois des sanctions et des sanctions illoratives. Dans ce cas, alors, si on s'improvise en fait des amendes d'une manière arbitraire, ça c'est aussi contraire à la Constitution. Vous dites que la mesure qui a été prise à l'encontre de ces étudiants est arbitraire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat, justement, pour mettre les choses dans le droit chemin? D'abord, c'est au niveau de réveil de conscience. Vous savez, aujourd'hui, il y a l'ignorance. Des fois, l'ignorance qui est à la base de certaines mesures qui sont prises. Mais, justement, si d'autres cas arrivent, toutes les institutions devaient être interpellées. Parce que même la conscience dit que quand un citoyen subit un acte arbitré de la part d'un responsable dans l'administration publique, c'est déjà une infraction de la part de l'agent public qui a appliqué cet arbitré. C'est pour cela que les gens devaient être prudents, s'attirer plutôt à la sensibilisation aux uns et aux autres, parce que de tels cas, il faut considérer qu'il s'agit purement et simplement de l'un des aspects de violation des droits de l'homme comme tant d'autres. Faustin Ndikumana, c'est le président de la PARSEM. Et la direction de l'Office des transports en commun au Traco vient de sortir une nouvelle tarification du contrôle technique. Une moto va à payer 10 000 francs burundais. Les bus de transport vont payer 35 000 francs burundais. Les voitures, jeeps et camionnettes paieront 50 000 francs burundais. Quant aux camions de 3 à 15 tonnes, ils devront payer 70 000 francs burundais, alors que les camions de plus de 15 tonnes paieront 100 000 francs burundais. Cette tarification entrera en vigueur le 1er septembre. Albert Maniratunga, directeur général de l'Eutraco, confirme cette information, mais n'a pas voulu s'exprimer là-dessus. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h, 2 minutes dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal et le service de radiologie de l'hôpital public de Lumonge est presque au point mort. Depuis bientôt plus d'une semaine, les patients se lamentent au moment où le directeur de cet hôpital informe que c'est une conséquence de la faiblesse de l'intensité du courant électrique leur fourni. Jean-Pierre Misago. Certains parmi les patients qui sollicitent des examens au service de radiologie à l'hôpital public de Lumonge fréquentent cet établissement sanitaire depuis bientôt plus d'une semaine et rentrent bredouille. D'autres font faire ces examens chez des privés qui sont chers par rapport au public. D'autres encore attendent que la radio fonctionne étant chez eux. Certains de ces patients disent que les manipulateurs de la radio leur expliquent qu'il n'y a pas de courant électrique pour faire fonctionner cet appareil. Une explication qui n'arrive pas à les convaincre en voyant des lampes utilisant du courant électrique allumé. Docteur Jérôme Singibashikako, médecin directeur de cet hôpital, dit que la radio est bel et bien en bon état. Il indique cependant que le courant électrique fourni par la régie des eaux et d'une faible intensité pour pouvoir actionner cette radio. Il demande à toutes les personnes capables de fournir à cet hôpital un transformateur de courant électrique propre à cet établissement sanitaire afin de lui permettre d'avoir du courant électrique pouvant faire fonctionner la radio et d'autres appareils actuellement presque au repos. Le programme Amagala Meza de l'Union européenne qui avait promis cette installation a arrêté ses activités avant que ce transformateur ne soit installé. Jean-Pierre Misago de Lumonge, Radio Isanganiro. Restons au sud du Burundi, cette fois-ci en province Makamba. Un des anesthésistes à l'hôpital public de Makamba est dans les mains de la justice de Makamba depuis ce lundi. Il est accusé d'avoir une part de responsabilité dans la mort d'une femme qui venait d'accoucher par césarienne. À ce même hôpital, des sources sur place indiquent que le tribunal de grande instance à Makamba a siégé dans une audience de flagrance sur ce cas et le tribunal a requis plus de 10 ans de prison ferme et une amende de 5 millions à 200 000 francs burundais à la famille éprouvée. Cette fois-ci en province Karusi, on nous parle d'un chef de zone qui a été démis de ses fonctions et qui se plaint, nous rapporte Kararumi et Blaise Pascal. Le chef de colline Ngougo vient de passer 4 mois de suspension de ses fonctions. Le chef de colline Ngougo, commune Nyabitere, province Karusi, il vient qu'il qualifie d'injuste. Dans la lettre du 12 avril de sa suspension, la cause invoquée pour cette décision est qu'il ne peut pas être à la fois le chef de colline et être aussi membre du conseil communal. Une lettre conjointe par l'administrateur communal, le président du conseil communal et son vice, qui sont aussi membres du conseil communal comme lui. Cette raison n'est pas du tout valable, indique le responsable de la structure permanente de la commission électorale provinciale indépendante de Karusi. Et celui-ci signale que la question a été soumise à la commission nationale CENI il y a longtemps, après que le concerné Naonisa Yemichi ait porté plainte à la CEPI en avril même. Le pasteur responsable de la CEPI dit qu'il attend la réponse de la CENI pour la réhabilitation de cet homme dans ses droits de représentant de la population. Le concerné Naonisa Yemichi dit qu'il est étonné que les autres membres du conseil communal, comme les directeurs et d'autres sénateurs, le président du parti Fodevo à Karusi, dont un membre, ce chef de colline, indique que Michel Naonichaye n'est que victime de ses convictions politiques. Depuis Karusi, Blaise Pascal Karumier pour Radio Isanganiro. Page éducation de ce journal, 85 sur 200, c'est la note minimale pour accéder à l'enseignement post-fondamental pour les lauréats de la 9e année fondamentale et 115 sur 345 pour les autodidactes de la 10e année qui n'ont pas réussi au concours l'année dernière. Ces résultats viennent d'être publiés par la ministre de l'Éducation dans un point de presse auquel a assisté Joseph Nsabiabandi. La note minimale est de 85 sur 200 pour les lauréats de 9e année fondamentale et de 115 sur 345 pour les autodidactes de 10e année n'ayant pas réussi. La ministre en charge de l'éducation salue les résultats obtenus dans cette évaluation nationale. Janvier Ndirahisha indique que les élèves ont réussi à un taux supérieur à 65%. Vu la participation de 131 780 candidats, dont 123 499 élèves de la classe de 9e année, et de 8 281 élèves autodidactes de la classe de 10e année de 2016. Au total, 82 303 lauréats de 9e année ont obtenu la note minimale requise pour être orientés au poste fondamental, ce qui représente un taux de réussite de 66,6%. Et quant aux candidats autodidactes de 10e année, 5520 ont réussi et ont obtenu la note minimale requise, soit au taux de réussite de 67%. La ministre de l'Éducation précise que le régime d'internat reste maintenu à certaines écoles et en précise les modalités d'admission. La note minimale requise pour être orientée dans les lycées publics à régime d'internat organisant des filières stratégiques est fixée à 127 points sur 200 pour les lauréats du fondamental et 189 points sur 345 pour les autodidactes ayant suivi le cursus du collège de 2016. La ministre Jean-Vierre Ndirahisha félicite les écoles qui ont obtenu de bons résultats. Au même moment, elle menace les écoles qui ont obtenu de mauvais résultats. 263 écoles ont affiché un taux de réussite de 100%. 49 établissements affichent moins de 20% de réussite et 9 écoles ont 0% de réussite. Alors au moment où je communique ces résultats, je demande aux responsables de ces 9 écoles de fermer les portes de ces établissements scolaires. Et pour ceux qui ont moins de 20%, la décision ne change pas, mais il y aura des éclaircissements pour les élèves qui fréquentaient ces écoles en 7e et en 8e année. La ministre de l'Éducation en a profité pour demander aux directeurs des établissements publics qui ont obtenu moins de 30% de se préparer à la destitution. Elle informe au même moment que les élèves qui n'ont pas réussi à ce concours auront droit à des places pour refaire l'année. Joseph Nsabiabandi, toujours en page éducation, la nouvelle ordonnance ministérielle portant règlement scolaire précise que les élèves doivent être célibataires pour favoriser une meilleure harmonisation des mœurs et de conduite à l'école. L'article 12 de la dite ordonnance interdit aux élèves de se parfumer et d'épiler les sourcils. Les enseignants, quant à eux, sont interdits d'organiser des cours du soir aux élèves de leur école. Les détails avec Alain Désiré Boukénez. Dans son article 14, ce règlement scolaire interdit à un enseignant d'organiser un cours du soir aux élèves de son école. Pendant les cours et les séances des évaluations, l'article 6 dit que les enseignants doivent mettre leur téléphone en mode silencieux et ne peuvent les consulter qu'après l'activité en cours. L'article 9, quant à lui, stipule que les élèves de l'enseignement fondamental et post-fondamental doivent être célibataires et que toute forme de vie conjugale est interdite aux élèves. La fille renvoyée pour grossesse pourra réintégrer dans un autre établissement dès que l'enfant aura 12 mois et au plus 2 ans, muni de l'extrait d'acte de naissance de l'enfant. Pour l'élève garçon qui aura engrossé l'élève fille, il sera renvoyé et ne pourra réintégrer que dans une autre école qu'à la rentrée scolaire suivante. Ce règlement scolaire interdit aussi aux élèves de mettre les chaussures à haut talon, du rouge à lèvres, du vernis à ongles, de se parfumer, d'épiler les sourcils et de fréquenter les cabarets et d'autres lieux similaires en uniforme. À la source, reportage. Place au reportage du jour qui nous conduit en commune de Burambi de la province Rumonge pour parler cohabitation pacifique entre jeunes jadis dans les mouvements armés et les jeunes restés chez eux. Notre reporter du jour, c'est Charles Makoto. Les jeunes de la commune de Burambi sont caractérisés par la cohabitation pacifique entre ceux qui sont restés sur les collines ou ceux qui avaient été enrôlés dans les groupes armés. Nous sommes au centre Busaga de la colline Gahinda. Jevin Hakirutimana est l'un des jeunes qui était resté sur la colline. Ils sont nombreux à être revenus. Certains sont allés dans différents pays, d'autres ont été dispersés, d'autres étaient des élèves et ont abandonné l'école. Après, ils sont revenus. Nous nous sommes dit qu'on parmi eux. Il y avait ceux avec qui on était de même classe et qui avaient suspendu les cours. Ils nous ont demandé ce qu'il fallait pour regagner l'école, car ils étaient dans la pauvreté. Pour certains, on contribuait pour qu'ils reprennent l'école. En général, nous vivons en harmonie. Kanhuye Malius est chef de la colline Gahinda. Il fait savoir que ceux qui avaient abandonné le quotidien ont repris leur travail. Il y a ceux qui sont partis dans les groupes armés dans la forêt et sont revenus. Ceux qui ne sont pas revenus sont partis dans d'autres pays, mais aussi il y a ceux qui sont restés sur la colline. Il y a ceux qui avaient abandonné les études et ont regagné le chemin de l'école, ils sont en classe. Il y a ceux qui avaient abandonné les activités dans leur ménage, ils les ont repris. Nous sommes avec eux, il n'y a pas de problème. Le gouverneur de la province Lomongue salue le partenariat entre parents et administratifs pour le retour des jeunes qui, selon lui, avaient été manipulés. Les jeunes ont été manipulés. Un petit nombre a été manipulé et sont partis dans des groupes armés. Mais nous avons tout fait en collaboration avec l'administration et leurs familles pour leur retour. Je peux donner l'exemple de la commune Burambi. Ils avaient pris presque tout l'établissement, mais ils sont revenus et nous les avons réintégrés dans les écoles. Ils avaient peur qu'ils pouvaient être arrêtés, mais personne ne les a arrêtés. Ils ont continué les études. Parmi eux, certains ont été orientés vers d'autres écoles. En plus, ils ont une bonne note et évoluent très bien. Ils sont là, je pense, qu'ils peuvent eux-mêmes témoigner. Personne ne les a touchés. Juvenal Bigirimana lance un appel aux jeunes qui sont toujours en exil de regagner la mère patrie. Je lance un appel à d'autres qui ont fui, qui sont au Rwanda, en Tanzanie et au Congo, qu'ils rentrent et seront bien accueillis et selon récit à bras ouverts. Qu'ils viennent nous dire qu'ils rentrent, nous savons que ça arrive. Il y a celui qui a fui puisqu'il a été manipulé et entraîné dans les groupes armés. Tous ceux-là sont graciés. Il y a celui qui a fui parce qu'il a peur. Il y a celui qui a fui par esprit de masse, faute de quoi faire. Tous ceux-là qu'ils viennent faire avancer leur pays. Il fait savoir que les jeunes de sa province vivent en harmonie malgré leurs différences et remercie les ONG qui interviennent dans la cohabitation pacifique des jeunes. Radio Isanganiro Chronique. La chronique santé de ce mardi revient sur les méthodes contraceptives utilisées au Burundi. Le gynécologue Innocent Ndayikunda indique que chaque femme doit pouvoir trouver une contraception adaptée à sa vie, mais toutes les méthodes ne répondent pas efficacement à la contraception voulue. Mais ce gynécologue invite les femmes mariées à consulter les médecins accompagnés de leur mari pour faire leur choix. Francine Ndihokubgayo. Nous vous avons parlé dernièrement des méthodes contraceptives dont disposent les femmes aujourd'hui pour maîtriser leur fertilité. Une dizaine de méthodes est disponible au Burundi, chacune parfois avec ses effets secondaires, selon le gynécologue Innocent Ndayikunda. Sauf les méthodes qui sont dites naturelles, il y a donc des effets secondaires qui sont liés à chaque méthode, je dis spécifiquement. La méthode dite de dispositif intra-utérin ou stérilé, la femme qui a cette méthode peut avoir des troubles du cycle, des troubles des règles, ou aura des saignements intermittents qui sont plus ou moins gênants, plus abondants que d'habitude, ou bien la femme aura des infections génitales à répétition, et si ces effets secondaires sont gênants, que la patiente ne peut plus supporter ça, on sera obligé de suspendre la méthode contraceptive et lui proposer une autre. Il y a des méthodes comme les méthodes dites hormonales, c'est-à-dire les pilules, les injections et les implants sous-cutanés. Ils ont toutes en commun le fait que la patiente aura un cycle qui est perturbé et on peut aussi avoir un gain de poids de façon inexpliquée. La patiente aussi peut avoir des troubles sexuels. Sinon, les autres méthodes n'ont pas pratiquement d'effets secondaires. Toutes les méthodes contraceptives ne sont pas fiables à 100% ni valables tout au long de sa vie. Sauf la ligature des trompes, ces méthodes ont souvent des échecs. On peut concevoir sur un stérilé, on peut concevoir alors qu'on prend des pilules régulièrement, on peut concevoir aussi alors qu'on a un implant sous-cutané, ou bien on peut concevoir quand on se fait injecter très régulièrement. Ou bien le stérilet a été mal inséré, pas de façon très efficace, ou bien qu'il ait bougé au cours des rapports sexuels et puis il a laissé la cavité utérine libre pour pouvoir donc permettre une nidation de l'œuf fécondé. Jusqu'à présent, il n'y a pas de méthode contraceptive qui est cancérigène. Ce sont des rumeurs liées à ces contraceptifs. Il y a des méthodes effectivement qui peuvent, par exemple, si on met un stérilet et puis que ça cause une inflammation qui est trop longue, ça peut entraîner une obstruction tubaire avec les infections à répétition. C'est pourquoi on est obligé de revoir ces patientes pour justement ne pas passer à côté de ces effets secondaires qui peuvent entraîner une stérilité. Il y en a aussi d'autres méthodes, surtout hormonales, parce que leur mode d'action exige que les ovaires soient au repos pendant toute la durée de la méthode contraceptive. Il y a des femmes alors, compte tenu de leur mode de vie, compte tenu aussi de leur âge, le retour à la fertilité n'est pas très automatique. Ça peut traîner un tout petit peu. Pour le gynécologue Innocent Daikunda, la méthode doit être choisie et discutée avec la femme et si possible avec son partenaire pour rendre la contraception plus efficace. Le tout premier comportement à adopter par le couple, c'est d'aller consulter à deux et s'entendre sur la méthode contraceptive qui est vraiment bien adaptée au couple, parce que à chaque couple ses intentions, à chaque couple ses antécédents. Deuxième comportement, c'est que la patiente qui, en fonction de la méthode qu'elle a adoptée, doit se faire consulter régulièrement. La patiente aussi, en fonction de la méthode contraceptive, doit être avisée des effets secondaires qui peuvent lui arriver et donc consulter chaque fois qu'elle a besoin. Ces méthodes contraceptives sont dispensées dans presque toutes les institutions sanitaires publiques et sont également offertes gratuitement. Merci à Francine Ndéokoubgaïo pour cette chronique santé au gynécologue Innocent Daikunda. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Rick Ouimana qui en assure la mise en onde. Mais je vous rappelle juste l'information à la une. C'est la note minimale de 85 sur 200 qui a été retenue pour accéder à l'enseignement post-fondamental pour les lauréats de la 9e année fondamentale et 115 sur 345 pour les autodidactes de 10e année qui n'ont pas réussi au concours l'année dernière. Merci donc de l'avoir suivi. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.